dans son regard qui finasse. Naïf, tout est douceur, malice. Dans ses sourcils, tous ses soucis. Ses amours distraits. Dans ses moustaches qui se dresse, perplexe, tous ses sourires complexes. Dans son museau, rêve palpitant, l'image d'une